Faites entrer Maïté qui est dans le couloir. Ah, viens Maïté. Je vais vous préparer un petit repas spécial. Qu'est-ce que c'est? Il vous faut de la vitamine. Ah oui, ouais. Ça. Ouais. Alors, je vais vous proposer un petit vitaminou de mon pays qui vient de chez moi. Qu'est-ce que c'est ça, vitaminou? Pour faire le vitaminou, pour ceux qui nous écoutent maintenant sur la radio, oui. Alors il nous faut d'abord un minou. Oh, oui. Oh, il est tout petit. Et bien sûr, des oranges séchées. Ah, d'accord. Voilà. Ensuite. Alors. Tout d'abord, donc, il faut se faire le chat. Alors, ah non, plusieurs non, méthodes. Donc, la noyade, hein, comme ah ça. Non. Oh, oh non. Alors, ensuite, le lancer, baisse pour le coton, comme ça. Voilà. Éventuellement, moi, mon mari, il avait revenu une vieille grenade qui marche plus. Non, attends, non, c'est ça. Grosse. Mais si. Non. Oh putain, il y en a partout là. Ça c'est pour le hachis parmentier, spécialité. D'accord. Alors, ensuite, bah, vous videz le tout, et comme là, c'est normal, quoi. Classique. Oh non. Ensuite, vous remplissez de pulpe d'orange par le trou du cul. Ah, c'est ça. Vous mettez toute la pulpe, oui, voilà. Ouais, alors, vous rebouchez avec la queue, pas de filet. D'accord. Vous prenez la queue, vous la remettez dedans, ça fait une boucle. D'accord. Vous rebouchez. 10 secondes, donc, comme ça. C'est prêt. Et voilà, un petit vitaminou pour avoir la patate toute la semaine. Wow. Ça va bien, ça vous plaît. Alors, je voulais vous faire un pitebulou. Bah, le problème, j'ai pas pu l'attraper. On comprend à la limite le pitebulou. Si quelqu'un pouvait aller me le chercher, il veut pas se laisser faire un cul. Viens, un pitebulou. Laissez-moi vous préciser qu'aucun animal n'a été maltraité pendant cette Évidemment, ni aucune orange séchée. Bien sûr, et qu'il n'y a aucun pitebulou qui attend dans le couloir.